son un dragon, éloignant les mauvais esprits. Aïe aïe aïe. Vous pouvez pas comprendre, mais qui j'en savais faire. Mes amis, dis-moi, c'est rêver, moi qu'à rêver. Paramount, c'est un homme, pas ni privé qui ça. On est tout homme pour un journée, ou mais c'est y a pas. J'en savais fête. Paramount Jumbo, café moins fête. Mes amis, dis-moi, c'est rêvé. Rêvé, ma qu'à rêvé. Paramount Jumbo, fête à moi, Yvette. Et si ou pas t'es là, yo t'es que inventé. Oh. Paramount Jumbo, café moins fête. Pas besoin d'y aïe, ou pas besoin parler. Non, non. Ni un seul par amour, j'aime beau.